Le nouveau magasin Canadian Tire du secteur de Dolbeau vous invite à venir voir le plus grand choix de pneus d'hiver avec toutes les marques à des prix imbattables. De plus, nous vous invitons à voir nos spéciaux dans la circulaire Publisac distribuée tous les mardis. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Le propriétaire du magasin Canadian Tire, Monsieur Ken Bennett, vous invite à acheter localement pour préserver nos emplois chez nous. On va parler des Alouettes de Montréal. On y parle du moins une fois par année. Évidemment, André Bolduc est natif de la région, donc on a des liens affectifs avec lui. Ça n'a pas dû être facile pour André cette année. Quoi qu'il en soit, les Alouettes vont disputer leur dernier match en fin de semaine à Hamilton. On le rejoint à Montréal. Salut, André. Hey, salut, Daniel. Ça va? Ça va bien, André. Je sais pas comment t'as passé l'année. Nous autres, en tant que fans, on était un petit peu. Puis je sais que je vais pas te poser des questions pour t'embêter. Mais en tant que fans, on a trouvé ça très difficile. Des fois, moi, Pascal Masson, on savait pas quoi dire. Comment le moral des gens, des entraîneurs et des joueurs sont de se planter au bureau quand t'as une fiche de. Là, on va probablement finir l'année à maximum 5 victoires. Là. Donc, comment qu'on se sent comme. Se lever le matin par le bureau qui dans un environnement comme ça? Ben, ce qui est tough pour moi personnellement après 5 ans, c'est qu'on se parle souvent et on répète souvent ça. Hein, depuis quelques années, ça va pas bien. C'est comme si on était dans une courbe. On a monté très haut, très longtemps les Alouettes. On a eu beaucoup de succès. Puis là, on est descendu dans la pente vers le bas. Puis c'est difficile de s'en sortir. Écoute, on a eu encore une fois un changement de staff au complet, nouveau système et tout ça. Il y a eu des moments où ça a bien été en début, après ça s'est écroulé. Des échanges, des blessures. Il y a eu une certaine adaptation au niveau des nouveaux entraîneurs, au niveau de la ligue, les règles. Il y a plein de raisons qui ont causé ça. Je te dirais que pour les joueurs à l'interne, quand même des professionnels. Fait que là, ils trouvent le moyen là, de rentrer au bureau, d'être positif, de trouver du positif dans leur métier parce que c'est un beau métier. Mais quand ils sortent du bureau, évidemment, ils se font rappeler la fiche par les partisans tout le temps, c'est top. Moi, personnellement, je suis comme déchiré entre les deux parce que notre fiche est vraiment désastreuse et les porteurs de ballon jouent à un niveau de football vraiment incroyable puis ils l'ont fait toute l'année. Les vétérans ont super bien été, Sutton, Pat Lavoie. Ils ont échangé ailleurs. Ils m'ont donné deux recrues. Ryder, Stanback, après ça. Tout le monde a bien fait. Puis là, je suis rendu avec Pittman Lawrence, un gars qui est arrivé à la mi-saison, que j'ai réussi à amener à un haut niveau aussi. Fait que dans mon unité, je te dirais, c'est ça qui nous change les idées, notre niveau de jeu. Mais pour le reste, là, c'est pas évident à la fiche. Non. T'as parlé de Tyrell Sutton, t'as parlé de Patrick Lavoie, qui était, écoute, Sutton, c'était probablement l'un des meilleurs demi de la Ligue canadienne avec Andrew Harris. Comment on se sent quand que t'es instructeur des porteurs de ballon, puis que Keeve Street t'échange ton meilleur porteur de ballon contre. Quand on peut passer des choix au repêchage? Comment qu'on se sent? Ça va pas être évident de se présenter au bureau par la suite. Non, moi, on m'a averti en fin de journée, cette journée-là. J'étais le premier à être averti de son départ. Évidemment, je l'ai appelé ce soir-là. Le lendemain matin, il est venu chercher ses trucs. Je dirais que ça a été une bonne rencontre émotive. C'est une des rencontres les plus émotives que j'ai eues avec un de mes joueurs. Après 5 ans, il était sous le choc. Il s'attendait pas à se faire échanger. Il voulait finir sa carrière à Montréal. Puis moi aussi, j'étais sous le choc parce que je l'ai appris comme lui en même temps. C'était plus qu'un joueur entraîneur. On avait une belle amitié ensemble. Puis c'est un soldat qui s'arrachait le cœur à chaque jeu pour nous. Vraiment le fun à voir jouer. Puis là, mon plaisir, c'est de le regarder jouer à BC. Donc, les autres sont en série. On va avoir la chance de passer par l'Est à Hamilton et peut-être de se rendre à Grey Cup. Tu sais. Ouais. C'est vraiment le fun de voir ça. Puis ils sont sur une bonne lancée, les Lions. Puis ils sont sur une bonne lancée, les Lions, là, aussi. Là. Oui, moi j'ai accès au film. Alors, on est resté en contact. Les premières games, ils me demandaient d'aller regarder ses courses à BC. Puis, je lui donne un peu de feedback. Donc, je faisais un peu de film de ce côté-là. Je disais des trucs qu'il fallait que je fasse attention sur certaines techniques. parce que là-bas, le système est différent. Fait qu'on est resté en contact, on est resté proche. Puis la même chose avec Pat Lavoie, qui on se parle souvent, là, qui est en Saskatchewan. Lui est en belle position aussi. Si Calgary perd, il finit du premier. Donc, il va être à un match de la Coupe. Alors, je souhaite vraiment qu'il y en ait un des deux qui aille à Coupe. Au moins, ce serait un petit baume, là. Ça ferait du bien sur le popo. OK. Steinbach, par exemple, est vraiment quelqu'un de bien. Là. C'est, les Alouettes peuvent bâtir là-dessus. Là. Oui. Steinbach, c'est un train, c'est un bon jack, il court bien, il est vite, mais c'est une recrue. Il fait encore plein de petites erreurs de recrue, puis il avait besoin d'un mentor cette année pour apprendre, pour voir comment ça fonctionne. Puis le mentor, on l'a perdu à mi-saison. Fait que, il s'est retrouvé dans le siège du conducteur assez rapidement. Il réagit bien, mais on a encore beaucoup de travail. Du travail qui paraît pas nécessairement à la télévision quand tu le regardes jouer, mais c'est beaucoup de polissage, de choses à répéter, des petits détails. Et ça va prendre du temps, évidemment, c'est sa première année. OK. André, tu te vois comment là-dedans? Parce que moi, je vais être honnête avec toi. J'ai été honnête avec Patrick Lavoie l'autre fois. J'y ai dit, écoute, je vous avais prédit une saison de 3 victoires, 13 défaites. Fait que, puis moi, écoute, je vais être honnête, je l'avais dit, puis je l'avais dit à Pascal Lavoie. Puis là, ben, Pascal, il avait dit une saison, après notre quatrième victoire, tu nous rappelleras, sauf que j'aurais pas envie de l'appeler, il a été échangé. Mais toi, là-dedans, André, t'as connu les bonnes années des Alouettes, t'as connu sur Larry Smith, t'as connu également sur Mark Trestman, t'as joué pour Mark Trestman, je pense, avec les Alouettes dans les belles années, Cal Vio, Don Matthews, t'as connu les bonnes années des Alouettes. Puis là, de voir que ça ressemble au Concorde des années 80, de la manière que c'est mené, comment tu vois ton avenir avec les Alouettes? D'abord, je suis sous contrat encore au niveau des porteurs. Je m'attends à ce qu'il y ait peut-être des petits changements, pas nécessairement des changements majeurs. Il y a des positions auxquelles ça a vraiment été difficile cette année-là. On ne se le cachera pas. Des positions clés des deux côtés du ballon. Fait que j'imagine que l'organisation va régler ces problèmes-là. Au niveau de l'attaque, M. Sherman aime bien ça, appeler des jeux. Il aime bien ça avoir les jeux que lui prépare. Donc, ça a été difficile pour Harry Jones aussi de ce côté-là. Et voir comment ils vont décider d'agencer tout ça aussi, ça va être à suivre. Donc, moi j'espère que les changements vont être pour le bien de l'organisation. Je ne m'attends nécessairement pas à des grands changements majeurs. Mais j'aimerais ça qu'on poursuive dans la lancée de continuer à améliorer notre contingent canadien, la ligne offensive canadienne, bien repêcher. Et moi, au niveau de mon unité, j'espère qu'on va repêcher des jeunes aussi, des jeunes fullbacks. On n'en a pas dans l'organisation. Au niveau des porteurs de ballon avec Ryder, j'en ai trois solides. Ouais. Donc, moi, je me verrais dans une situation idéale pour suivre avec les porteurs encore un an. Mais comme coordonnateur, Sam André, t'as fait tes classes, là, maintenant, là, tu devrais au moins, au minimum, je sais que je veux pas t'en mettre, je te pose des questions difficiles, mais je te parle en tant que partisan, qui fait longtemps qu'il suit les Alouettes, qui regarde ça, puis qui dit, voyons, ça n'a pas de sens ce qui se passe là. Mais ça, qu'au minimum, coordonnateur à l'attaque, au minimum, là, t'as fait tes classes? Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu sais, pour garder la hiérarchie, pour respecter les autres, on en a un coordonnateur en place. Ouais. Et on en a deux parce que M. Sherman, il était coordonnateur, il a ça dans le sang aussi, tu sais. De dire haut et fort, hey, je veux être coordonnateur, je vais faire mieux que les autres. Moi, je suis un soldat. Ouais, ouais. Si le poste était ouvert, là, ce serait à moi à piquer dessus. Là, c'est un autre histoire. C'est totalement différent. C'est comme les postes d'entraîneur-chef. T'sais. Quand il y en a qui vont s'ouvrir, dans l'avenir, si je veux appliquer dessus, là, ça va être libre à moi. T'sais. Jamais je vais dire, hey, je devrais être coach à la place de quelqu'un pour faire attention à ça. Non, je sais. Je sais que je te pose une question très difficile, André, mais il faut que je te la pose pareil. Mais c'est sûr que c'est des choses qui m'intéressent dans l'avenir. Par contre, moi, j'ai encore les enfants, les jumelles sont déjà 12 ans. Il me reste peut-être un an ou deux, là, peut-être 2-3 ans. Avant que les filles aient 14-15, les gars sont plus vieux, là, j'ai plus de liberté. Parce que là, c'est encore un peu lourd pour ma conjointe. Ouais. Mais on est dans la bonne direction, là, ça s'en vient. OK. Dis-moi, est-ce que du côté des Alouettes, qu'est-ce que ça va prendre? Ça va prendre une meilleure ligne à l'attaque, ça va prendre d'améliorer le recrutement aux États-Unis. Il y a un paquet de joueurs qui s'en viennent, qui sont aux États-Unis également. Ça, de ce côté-là, ça laisse à désirer un peu. Qu'est-ce que ça va prendre pour essayer de faire en sorte que ça va un peu mieux, qu'on voit une progression, au moins une progression significative? Plein de choses, ça en a nommé plein, mais je pense que dans l'ordre, c'est important de solidifier les carrières. Donc là, ils sont tous sous contrat, donc on en a 5 qu'on va amener au camp pour batailler. Idéalement 4, parce qu'à 5, il y en a un qui n'aura pas de reps. Là. Ouais. Mais idéalement 4 qui se battent pour le poste, 4 dans l'organisation, c'est parfait. Ensuite, il faut protéger ces gars-là, tu l'as mentionné. Ligne offensive, là, c'est priorité. Malheureusement, on a des agents libres de ce côté-là, on a des gardes qui vont être agents libres. Alors, faut tout faire pour essayer de garder ces gars-là. Le repêchage aussi est important, évidemment. Les Canadiens sur la ligne, là, c'est super important. Faut être très profond parce que quand t'as des blessures, tu peux pas commencer à faire 50 changements, là. Faut que le prochain soit prêt à jouer. Ça t'en prend 8. That's it. Y a pas d'autre solution que ça. Faut que t'en aies 8 qui puissent jouer dans l'organisation puis que t'y gardes longtemps. Des payes. Alors ça, c'est important. Ensuite, les receveurs, là, je pense que c'est évident. Là. On est très, très, très loin derrière les autres équipes là, au niveau du talent sur les receveurs, les Américains. Au niveau du talent receveur canadien, il faut améliorer ça aussi. Là. C'est pas à la hauteur. Non. Bref, c'est pratiquement tout. Hey, André, une dernière question, OK, parce que il y a une nouvelle ligue de football il y a deux nouvelles ligues de football qui s'en viennent aux États-Unis. Je ne sais pas si tu es au courant, là. La Ligue Alliance et la XFL qui revient. Est-ce que tu penses que ça peut menacer les joueurs la Ligue canadienne ou en fait que les joueurs de la Ligue, les Américains, les bons Américains qui seraient disponibles pour la SCF veulent jouer plutôt pour la Ligue Alliance? Moi, je prends l'exemple de Johnny Manziel. Manziel pourrait être une belle porte d'entrée pour cette ligue-là. Là. Est-ce que tu penses... Absolument. Moi, je pense que c'est tout à fait logique. Pour le même salaire, ils ne viendront pas ici. Ils vont rester là-bas, c'est sûr. Ouais. Proche de leur famille, jouer dans leur réseau de télé. C'est sûr que ça va affecter la qualité des Américains ici. C'est clair. Et puis, des bons vétérans, on va en perdre. C'est sûr que les Américains vont se rajeunir ici parce que là, on va les prendre à la sortie du collège. Eux vont prendre nos bons Américains pour justement faire la promotion de cette ligue-là. T'as raison, Johnny, c'est un bon exemple. Johnny a un an de contrat avec nous, mais je vois pas pourquoi il re-signerait. C'est certain qu'il y a deux autres ligues là-bas qui l'attendent. Ils vont avoir de l'intérêt, c'est certain. Là, je peux te dire, j'en ai pas parlé. Là. C'est un bon Jack, mais on n'a pas parlé de ça. Mais c'est certain qu'il y a un intérêt de son côté. Ben, c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que Johnny, est-ce que c'est vrai qu'il est détesté dans le vestiaire? Est-ce que c'est vrai? Ben, c'est toutes des histoires. Est-ce que tu as vu, là? Absolument pas. Johnny, c'est un bon Jack, comme tout le monde. Ces gars dans le vestiaire-là, c'est des bons humains. OK. Ben, André, très intéressant. Je sais que ce n'était pas des questions faciles, mais écoute, l'année n'est pas facile. Fait faut que je te pose des questions qui sont difficiles. Fait que. Puis, au plaisir c'est de se parler. Problème. Est-ce que tu viens dans la région de temps en temps? C'est ça, comme je te disais, peut-être en arrière des fois. OK, OK. Ben André, félicitations quand même pour ton travail. Je sais que tu travailles fort. L'équipe mérite mieux que ça. André Bolduc mérite mieux que ça. Puis au plaisir peut-être de se reparler, peut-être comme étant le nouveau coordonnateur à l'attaque. Merci, bye. Merci, André Bolduc, l'instructeur des porteurs de ballon chez les Alouettes de Montréal.